Enfin, un moment pour vous. Vous choisissez un album dans votre collection, vous sortez le disque de sa pochette, vous le posez sur la platine, c'est l'instant vinyle. L'instant vinyle sur Blues Café Radio avec Christian Birail. Aujourd'hui, nous allons parler de B.B. King. Est-il besoin de le rappeler, B.B. King est un des plus grands musiciens de blues. Il nous a quittés en 2015, et 3 ans plus tôt, il était encore sur scène, et il avait alors 87 ans. Écoutons maintenant une chanson du vinyle que je viens de poser sur la platine. Elle a donné son titre à l'album dont nous allons parler juste après, Midnight Believer. B.B. King a enregistré et joué avec d'innombrables musiciens à partir du moment où le blues est devenu populaire auprès du public blanc dans les années 60. Aujourd'hui, dans l'instant vinyle, nous nous intéressons aux deux albums enregistrés avec les Crusaders en 1978 et 1979. Grâce à eux, B.B. King sort de son registre blues habituel et sa groove avec un mélange funky, soul et blues. Voici Happy Birthday Blues. Qui sont les Crusaders? C'est un groupe jazz funk. Au clavier, Joe Sample. On peut lire son nom dans les crédits de quasiment toutes les chansons des deux albums qui nous intéressent aujourd'hui dans l'instant vinyle. Joe Sample collaborera aussi avec Miles Davis, Marvin Gaye, Al Jarreau, George Benson, George Duke, Eric Clapton ou encore Steely Dan, excusez du peu. Dans les albums Midnight Believer et Take It Home, la symbiose est parfaite entre la guitare et le chant de B.B. King, d'une part, et l'impressionnante machine groove des Crusaders d'autre part. Les titres excellents sont nombreux. Mais en 1979, les Crusaders obtiennent un carton colossal avec Street Life. Une carrière internationale s'ouvre alors pour eux, et c'en est terminé de leur collaboration avec B.B. King. I'll play the street life, because there's no place I can go. Street life, it's the only. C'était Street Life des Crusaders. Mais je vous propose maintenant de revenir à la collaboration de B.B. King avec les Crusaders. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans l'instant vinyle. Voici Never Make a Move Too Soon. Never make them too soon, babe. Les pochettes des deux albums de B.B. King qu'on écoute aujourd'hui dans l'instant vinyle méritent le détour. Sur celle de Midnight Believer, on peut voir une Cadillac, qu'on retrouvera avec une couleur différente sur le visuel de Riding with the King, le fameux album avec Eric Clapton. Et puis sur la pochette de Take It Home, on voit un jeune garçon qui lorgne sur une guitare dans une boutique. Au verso, on le voit partir avec cette guitare. Take It Home, emmène-la à la maison. Et bien entendu, cette guitare, c'est Lucille, la célèbre guitare de B.B. King. C'était Take It Home de B.B. King. Juste avant d'écouter cette chanson, on parlait de la guitare de B.B. King. Mais connaissez-vous la véritable histoire de cette guitare ? Un soir, B.B. King joue dans un club. À cause d'une bagarre, le local prend feu et B.B. King risque sa vie pour sauver sa guitare des flammes. La catastrophe a été provoquée par deux hommes qui ont été retrouvés morts dans les décombres. Ils s'étaient battus au sujet d'une femme qui s'appelait Lucille. C'est le prénom que B.B. King a ensuite donné à sa guitare. Voici maintenant The Beginning of the End. Écoutez l'interprétation déchirante de B.B. King dans cette chanson qui parle de la fin d'un amour. C'est du blues. When I first met you, we burned like a flame. Now it's getting colder, and you know that's a shame. Love's out there somewhere, but it won't come in. So let's just remember, baby, how sweet all of this has been. But when two real good lovers start being real good friends, can't you see that's the beginning of the end? I made you sparkle like strawberry wine. And when I felt bad, you made me feel fine. Oh, it's good when it's going, and gone when it's gone. We both know enough to leave well enough alone. When two real good lovers start being real good friends, baby, can't you see that's the beginning of the end? The cool of the morning, the heat of the night, the loving was good, but you know vous êtes dans l'instant vinyle de Blues Café Radio, l'émission 100% craquement. Nous parlons des deux albums studio de B.B. King qui ont bénéficié de la contribution des Crusaders. B.B. King, c'était l'élégance et le raffinement dans le blues. Sa rencontre avec les Crusaders, groupe de jazz sophistiqué, n'a au final rien d'étonnant. Ils se retrouveront encore en 1981 à l'occasion d'un concert avec le Royal Philharmonic Orchestra de Londres. L'influence de cette expérience se fera sentir dans les albums suivants de B.B. King. Et puis, en 1989, le groupe U2 va solliciter B.B. King et le faire connaître au jeune public avec le single en duo When Love Comes to Town. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous propose maintenant d'écouter un autre sommet de l'album Take It Home. Voici les paroles du refrain. You better not look down if you want to keep on flying. You better not look back, or you might just wind up crying. Tu ferais mieux de ne pas regarder en arrière, car tu pourrais fondre en larmes. Tu ferais mieux de ne pas regarder en bas, si tu veux continuer à voler. And the queen leaned out and she said, aren't you B.B. King? She said, oh, BB, sometimes it's so hard to pull things together. Could you tell me what you think I ought to do? And I said, you better not look down if you want to keep on flying. Put the hammer down, keep it full ahead. Better not look back or you might just wind up crying. You can keep it moving if you don't look down. You better not look down if you want to keep on flying. Put the hammer down, keep it full ahead. Better not look back or you might just wind up crying. BB King a obtenu dans sa carrière une quinzaine de Grammy Awards. Mais il est toujours resté d'une grande simplicité. Ceux qui ont eu la chance de le voir sur scène savent à quel point il était une personne généreuse et attachante. BB King, c'était un sourire inoubliable. Si vous avez le blues, vous pouvez compter sur BB King. Comme il le dit dans une chanson de Midnight Believer, « When it all comes down, look for me, I'll still be around. » Quand tout s'effondre, cherche-moi, je serai toujours là. Je vous dis à bientôt pour un prochain Instant Vinyle. Sur Blues Café Radio, avec Christian Biral.